Oh, 2-0-93, gros. Hey, toi, qu'est-ce que tu me prouves? Okay. Ta carrière, je crève. Hey, comme un autre, okay. Pas hey. Le son t'achève. Oh, pense comme un chauve. Okay. Ton style est trop pauvre. Oh, hey. Moi, Hamdoullah, ça va. Tu me respectes, je te respecte, sinon. Toi, t'es un keuf, sur un jeune, tu as. En 6ème, sur l'école, je voulais. J'ai compris que c'était sur mon avenir que je. 50 pour le best, 50 pour le best. Du 9-4, j'évite les coups tordus. Pour l'instant, je suis là, je rappe sale. Je rappe tellement bien qu'on dit que je rappe mal. Pour m'arrêter, le commissariat s'est déplacé. Je suis passé du rêve au cauchemar quand les keufs m'ont réveillé. Ils ont voulu enterrer la mafia africaine. On voulait bien censurer, mais le hardcore est dans le gène. On est trop gangsta. Ta mère avec ton hip hop vieillot. C'est un sol qui s'parfume, recrase lacrymogène. On veut une carte mafia, c'est un peu. G8, Bejaïa City, Sénégal en rouge, corbeau. T'es là pourquoi? Braco, et toi? Raco, Hassoul, victime d'un parloir fantôme. C'est pour les têtes cabossées et tous les cabochards. Nous sommes des gamos par des os et par les charognards. Nous sommes des cassons sur des carrossiers des Kosovars. Si on a les yeux bleus, c'est à cause des chiffres au phare. Tu remets ça de vie. Apprécie la merveille, rien n'est plus comme la veille. C'est pas le jour de la paix, mais le jour de la paix. Ennemis, profitez, l'oxygène c'est gratuit. Incroyable mais vrai, MC en bébé gay. Thug life. Qu'ils arrêtent de se branler, ça fait perdre la mémoire. Plus dur est le combat, plus douce sera la victoire. Dans la rue ça part plus vite, click, bang. Tu veux planter mon flic, chérie, ça m'intéresse pas. Tu veux que je baisse mon slip, non, non, ça m'intéresse pas. Tu veux que je balance au flic, non, non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Sniffer dans ta cam, non, non, ça m'intéresse pas. Choisir un cabane, non, non, ça m'intéresse pas. Ou aller vendre mon âme, non, non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ouais, je trouve. DJ, guys. Paris aura New York 4. Paris aura New York 4. Paris aura New York 4. Dans la vie faut pas de la chatte, faut des couilles, ouais. À tout moment ta vie douillée peut se faire douiller. C'est la chaîne T et on est dans la demeure. On va faire partir les patrins comme les sachets de PR1. Tu fais le 6 gros, gros t'es qu'un gros mytho. Amigo, je te plante des épines dans le clito. Je suis pas un voyou, ma caille, c'est la débrouille. Dans l'équipe, y'a que des couilles, des têtes cramées qu'elle me la débrouille. Moi on m'a dit que c'est dramatique, tout est mathématique. Alors appose-moi ma bite, rappeur. Sac maldic, recherché par Interpol et les fédéraux. J'ai envie de baiser des rappeurs même si je suis hétéro. Lol, je suis pas recherché par Interpol. Pff, lol, le pire c'est que j'ai accru une espèce de Google. Y'a pas de bling bling brah, y'a pas de West Coast brah. Y'a que des, brah, y'a que des bastos. Si j'ai des plans, je les fais tourner à mes assos. Comme Orsay, on est tous un petit peu cassos. On vit dans le noir, dans une cave, y'a pas le bonheur. Cogneur, j'ai obtenu un bac pro de charbonneur. Qui veut me couper? Qui veut me doubler? Quel est le fils de pute qui veut pas que je finisse mon couplet? Vas-y ma gueule, je m'arrache de là, je le dis à ta l'heure. Si entre temps je meurs, c'est que quelqu'un m'a porté malheur. Yeah.